Au dîner, Julien fut plus charmant que de coutume, comme si rien ne s'était passé. Jeanne, son père et Madame Adélaïde, qui, oubliant vite, en leur sereine bienveillance, attendaient de le voir aimable, se laissaient aller à la gaieté avec la sensation de bien-être des convalescents. Et, comme Jeanne reparlait des Briseville, son mari lui-même plaisanta, mais il ajouta bien vite « C'est égal, ils ont grand air. » On ne fit point d'autres visites, chacun craignant de raviver la question Marius. Il fut seulement décidé qu'on enverrait aux voisins des cartes au jour de l'an et qu'on attendrait, pour les aller voir, les premiers jours tièdes du printemps prochain. Le Noël vint. On eut à dîner le curé, le maire et sa femme. On les invita de nouveau pour le jour de l'an. Ce furent les seules distractions qui rompirent le monotone enchaînement des jours. Père et petite mère devaient quitter les peuples le 9 janvier. Jeanne les voulait retenir, mais Julien ne s'y prêtait guère. Et le baron, devant la froideur grandissante de son gendre, fit venir de Rouen une chaise de poste. La veille de leur départ, les paquets étant finis, comme il faisait une claire gelée, Jeanne et son père se résolurent à descendre jusqu'à Yport, où ils n'avaient point été depuis le retour de Corse. Ils traversèrent le bois qu'elle avait parcouru le jour de son mariage, toute mêlée à celui dont elle devenait pour toujours la compagne. Le bois où elle avait reçu sa première caresse, tressaillie du premier frisson, pressentit cet amour sensuel qu'elle ne devait connaître enfin que dans le vallon sauvage d'Ota, auprès de la source où ils avaient bu, mêlant leurs baisers à l'eau. Plus de feuilles, plus d'herbes grimpantes, rien que le bruit des branches et cette rumeur sèche qu'ont, en hiver, les taillis dépouillés.